Chris Pogusen, secrétaire général de l'Amicale réformée mondiale, a adressé récemment une lettre au secrétaire d'État américain. Il écrit notamment « L'Amicale réformée mondiale a renforcé dans le passé la collaboration mondiale en faveur de la paix et de la réunification de la péninsule coréenne, qui sont très importantes pour la paix de la région et du reste du monde. Au cours de sa visite en Corée de l'année dernière, la délégation de l'Amicale réformée mondiale a constaté avec émotion les succès accomplis dans la science et la technologie, l'architecture et l'économie, et les habitants coréens pleins de vivacité. Nous sommes persuadés encore que les manœuvres américaines sud-coréennes ne sont rien d'autre que l'expression claire de l'attitude agressive à l'égard de la République populaire démocratique de Corée. L'Amicale réformée mondiale exige urgentement des États-Unis de cesser les manœuvres militaires provocatrices, de prendre le dialogue authentique où tous les pays sont respectés à égalité, en vue de la paix durable au nord-est asiatique. Nous demandons également à l'administration américaine de prendre une mesure décisive pour remplacer l'accord d'armistice en un accord de paix. Après avoir condamné l'inhumanité et la froideur de la sanction contre la Corée, le destinataire réclame au gouvernement américain d'engager la négociation en faveur du retrait de toutes les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, de la fin de la tension et de l'implantation de la confiance dans la péninsule coréenne.